si vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire, modifier un rendez-vous ou connaître les démarches à effectuer suite à la réception d'un courrier d'avertissement ou de décision de radiation, tapez 2.